penché devant ma télé. J'entends une voix qui me dit comme ça: arrête de glander devant ta télé. T'as mieux à faire que de faire du gras. Fais-moi pas chier, je dis à la voix. D'abord qui t'es, je te connais pas. Je suis le grand, me répond la voix. Un cucufa. C'est bien de l'honneur, grand cucufa, que tu me fais en t'invitant chez moi. Prends donc une bière et assieds-toi. Mais ça me dit pas ce que tu fais là. Nanar Mouskouri, je t'ai choisi parmi des milliards d'autres abrutis pour aller répandre la bonne musique dans tous les coins de ce monde merveilleux.